Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 16 septembre 2020. Content d'être avec vous, fidèle au rendez-vous. Et ce soir, on a une date tout en douceur. On s'imagine la chaleur d'un feu de camp au son des guitares parce que ce soir, on visite le répertoire acoustique de différentes formations et ou encore des artistes du monde du folk qui se sont toujours consacrés à une musique plus organique tout au long de leur carrière. Dans tous les cas, ça promet parce que ce soir, on a droit à un mélomane complètement acoustique. Mélomane Unplugged ce soir, 99.1 et 88.9 CFNJ. the shelter and the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky. Il fait trop

if words could make wishes come true. I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I want to go through time. Et c'est à Mélomane que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Un mélomane en formule acoustique pour l'entièreté de la soirée et un bloc qui vient de se terminer avec un grand classique du folk, une pièce maîtresse de l'âge d'or de la radio AM des années 70 en la personne de Jim Croce, décédé beaucoup trop jeune, et de son fameux Time in the Bottle de 1973, une chanson que M. Croce aurait écrite, après avoir appris que sa femme était enceinte. Mais le bout triste de l'histoire, c'est qu'il est malheureusement décédé dans un crash d'avion pas très longtemps la même année. Donc pas besoin de dire que les paroles de la chanson et son thème, à savoir d'encapsuler le temps dans une bouteille, a pris toute une autre connotation. Une chanson littéralement intemporelle. Qui suivait ici, qui d'autre que les Beatles avec I'll Follow the Sun, une magnifique chanson écrite par un jeune McCartney de 16 ans et qui va finalement voir le jour sur l'album Beatles for Sale de 1964, ou ici en Amérique, parce que les albums différaient jusqu'à Sgt. Pepper's en Angleterre, sur l'album Beatles 65, qui est ironiquement sorti en 1964. Chose qui suivait ici, une formation qui a été d'une influence indéniable sur les Beatles, ne serait-ce que pour leurs inoubliables harmonies vocales, leurs mélodies aussi. Il s'agissait des frères Everly Brothers, en 1960, avec une de leurs nombreuses superbes compositions qui, à mon grand désarroi, semble malheureusement tomber un peu dans l'oubli pour une certaine génération. Et c'est vraiment regrettable parce que leur répertoire est rempli de petits bijoux comme celui qu'on a entendu ici du nom de « So Sad to Watch Good Love Go Bad ». D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a Madame Françoise Hardy qui en a fait une très belle version en duo avec Étienne Dano sur Dao, plutôt. Je parle pas de l'humoriste, mais bien du chanteur français sur son album Clair Obscur en 2000. Et sinon, première partie de bloc pas piqué des verres avec un extrait entièrement acoustique, à quelques exceptions près, si on pense à la batterie à la fin de la première chanson éponyme, ou plutôt homonyme, Harmonium. Donc on pouvait pas passer à côté ce soir. On a entendu aujourd'hui, jeudi, Bonjour à la vie, un classique de 1974. Qui suivait ici Pink Floyd, qui eux aussi ont eu plusieurs moments acoustiques tout au long de leur carrière, surtout dans leur début. On avait le choix, comme on dit, mais on a penché ici pour quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard sur un album que tout le monde connaît, soit le fameux The Wall, album double sorti en 1979, duquel on a entendu Goodbye Blue Sky, et le tout amorcé par un héros de l'underground des années 90, plus précisément de l'indie folk à l'esthétique lo-fi, un gars qui, un peu à l'instar de Daniel Johnston, dont on a déjà parlé à l'émission, a rendu ça cool de s'enregistrer soi-même dans sa cuisine sur un Tascam 4-track cassette, mais qui surtout avait beaucoup de talent, très mélodique, un gars qui a fait partie de différentes formations comme Dinosaur Jr., Folk Implosion et surtout Sebado, un monsieur qui s'appelle Lou Barlow, que je vous encourage à découvrir et qu'on a entendu ici avec Holding Back the Year en 2005. Mais là, on se transporte en 1968 avec Van Morrison au 99 ans et 88.9 CFNJ. Thank you. Thanks for time. Thank you. That was the Meat Puppets. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Quelle belle journée, quelle fraîche matinée, quelle joie de te rencontrer. Curieux, je pensais justement à toi. Dis-moi comment vas-tu? Dis-moi qu'es-tu devenu? Et puis comment va Josée? curieux, je pensais justement à ça. Oh, moi, ça va très bien. Je joue à Québec demain. Dis, as-tu écouté mon 33 tours? Il y a quelques chansons là pour toi. Dommage, je dois te quitter. Tu sais, je suis trop occupé. Il faudrait bien se rencontrer, s'asseoir et puis parler. Parler des jours où j'étais en amour. Parler du temps où tout était trop court. Parler des jours en amour. Curieux, je ne pense qu'à ça. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Et toujours en plein mélomane acoustique ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Avec une très belle pièce de Don McLean en 1972. Don McLean, qu'on connaît aussi beaucoup pour son succès American Pie, mais qu'on a entendu ici avec Vincent, qui se voulait un hommage à nul autre que le grand Vincent Van Gogh, d'où le Starry Starry Night, qui fait référence à son fameux tableau de la nuit étoilée. Mais anecdote intéressante par rapport à cette chanson-là, du moins à laquelle on s'attendrait pas vraiment, c'est que c'était une des chansons préférées du fameux rappeur Tupac Shakur, tellement qu'il semblerait qu'on lui ait fait jouer à l'hôpital juste avant qu'il décède des suites de la fameuse fusillade dont il avait été victime. Quand même assez surprenant, quoique c'est une chanson très apaisante. Mais vous pourrez dire que vous avez appris ça à Méloman. Et sinon, ben, on a entendu un jeune Gilles Valiquette en tout début de carrière, du moins sa carrière solo, parce que M. Valiquette en avait déjà beaucoup en arrière de la cravate et avait eu son groupe Someone de 1966 à 71. Après ça, il avait aussi joué pour le duo Liette et François, les Séguins, constitué évidemment de Richard Séguin et sa sœur Marie-Claire. Il avait aussi été guitariste pour Jacques Michel, toutes des choses qu'on oublie souvent. Mais à l'automne 1972, il va sortir Chanson pour un café, son premier album solo, son premier 33 tours, comme il dit si bien dans sa chanson, duquel on a entendu ici Quelle belle journée, qui suivait ici un duo de chansons qui ont marqué les années 90. On ne pouvait pas passer à côté avec notre spécial acoustique de ce soir. La fameuse mode des MTV Unplugged, spectacle où des artistes connus interprétaient leurs chansons en version acoustique, et les deux albums Unplugged qui ont connu certainement le plus grand succès ont été ceux d'Eric Clapton en 92 et Nirvana en 94. Évidemment, il y a plein d'autres artistes qui se sont prêtés au jeu, mais ce soir, c'est ces deux-là qu'on a entendu. Clapton qui nous a immortalisé une très belle version de Nobody Knows You When You're Down and Out, un standard de blues aux influences ragtime, composé par Jamie Cox en 1923. Ça va être popularisé plus tard par la grande dame du blues, Bessie Smith, qui avait déjà été... D'ailleurs, Clapton l'avait déjà enregistré avec son groupe Derek and the Dominoes, avec Dwayne Allman à la guitare des Allman Brothers en 1970. C'est sur leur seul album qu'on va d'ailleurs connaître la version originale de Layla. Layla qui va être évidemment reprise sur l'album Unplugged, qui va peut-être connaître encore un plus grand succès que l'original. Et Dwayne Allman, on parlait de Dwayne Allman, ben on a entendu l'excellent pianiste Chuck Leavell, un pianiste de session sur cette chanson-là, qui va jouer pour tout le monde, les Rolling Stones, tout ça, mais il s'est fait connaître originellement beaucoup en étant membre des Allman Brothers, le Allman Brothers Band originellement. Et pour ce qui est de Nirvana, ben c'est avec leur reprise de Lake of Fire, des Meat Puppets qu'on les a entendus. D'ailleurs, les Meat Puppets étaient sur place pour ceux qui ont vu le fameux spectacle Unplugged de Nirvana, Kurt Cobain, qu'on peut saluer d'ailleurs, de toujours s'être consacré à faire connaître des groupes qui l'avaient influencé.

brought you tears. Yes, you did. Didn't have to offer your hand. 'Cause since I've kissed it, I am at your command. But you did. Oh, a turpentine erase me whole. My life alone. Well, I was waiting for you all my life. Oh, I set me free, my honeybee. Without you, that I'll never know. That I never know. I let myself go. Hello, goodbye. I'm rather crazy, and I never thought I was crazy. But what do I know? What do I know? I let myself go. Nice to know you out. I find myself without you. Hello, goodbye. I'm rather crazy, and I never thought I was crazy. Hello, goodbye. 'Twas nice to know you out. I find myself without you. Hello, goodbye. I'm rather crazy, and I never thought I was crazy. Averses vont cesser cette nuit sur la Nosière, minimum de 7 à 13 degrés. Dégagement et du soleil pour jeudi, maximum de 12 à 18 degrés. Et vendredi, alternance de soleil et de nuages un peu frais, maximum de 12 à 14 degrés. CFNJ 89.1 88.9. Et toujours en plein mélomane, 100% acoustique ce soir, et un bloc qui s'est terminé avec une très belle chanson qui, je l'espère, a été une découverte pour vous. Moi, en tout cas, c'est une très belle découverte que m'a fait faire un de mes élèves, Vincent Paradis, pour ne pas le nommer, un groupe d'inspiration steampunk aux harmonies vocales magnifiques du nom de Steam Power Giraffe avec la chanson Honey Bee de 2011, qui suivait ici une belle chanson d'amour, comme il s'en fait plus, que personnellement je préfère grandement à On va s'aimer encore. Il s'agissait de Vincent Vallière, bien sûr, avec la pièce titre de son album Le Repère Tranquille de 2006. Il y a un avant et un après 2006 pour Vincent Vallière. C'est une chanson qu'on a entendue juste après Bon Hiver, un an plus tard, en 2007, avec Flume. Première pièce de son excellent premier album « For Emma, Forever Ago », Bon Hiver, qui est devenu depuis une figure très importante de l'indie folk. Et parlant d'Indie Folk, eh ben c'est pas d'hier que ça existe, parce qu'on a entendu un petit bijou sorti en 1970, mais qui va être redécouvert des années plus tard. Il s'agissait de Vashti Bunyan, qui connaîtra tellement pas le succès escompté à l'époque qu'elle va même en délaisser sa carrière musicale carrément. Il va falloir attendre le début des années 2000, imaginez, là, de 1970 à 2000, pour que certains enthousiastes se mettent à fouiller les voûtes pour redécouvrir son travail. Un album vraiment unique du nom de Just Another Diamond Day de 1970, dont on a entendu la presque pièce titre Diamond Day, et tout ça amorcé par Kiss avec Hard Luck Woman, chanson originalement composée pour que peut-être plus tard Rod Stewart l'interprète, mais finalement, après le succès de Beth, ils ont décidé de la garder pour eux, et c'est devenu un succès en 1976. Et sur ce, on retourne en musique, toujours en plein mélomane. Acoustique ce soir, Unplugged, au 99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back. city ladies, this city ladies. But it lasts long as it could last, and it lasts up until it lasts. Yeah, this is the lady. About the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well, alright, well, alright. We'll live and love with all our might. Well, alright, well, alright. Our lifetime love will be alright. Well, all right, so I'm going steady. It's all right when people say that those foolish kids can't be ready for the love that comes their way. Well, all right, well, all right. We will live and love with all our might. Well, all right, our lifetime love. All right. Waiting for someone to come out of somewhere. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Toutes les moineaux qu'il suivait. Quand j'étais petit dans mon casse-pied, mon tire-bois, les batailles avec les Anglais, c'était le temps où les tramways passaient. Et c'est toujours à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9 en formule 100% acoustique ce soir. Et un bloc qui vient de se terminer avec les Red Hot Chili Peppers, avec un magnifique extrait de leur album Californication de 1999 du nom de Road Trippin', qui suivait ici le seul et unique Plume la Traverse avec une petite guitare qui est pas sans rappeler le Blackbird des Beatles, avec une super belle chanson qu'on n'entend pas assez. D'ailleurs, la discographie de Plume est parsemée de ce genre de petits bijoux. Faut pas se fier au sempiternel, la même chanson qu'on entend toujours, aussi bonne soit-elle. On a entendu Anecdote de l'album Pomme de route, enregistré en 1975 avec la collaboration de Stephen Faulkner, aussi connu sous le nom de Cassonade, surtout à l'époque. Et ça suivait ici nul autre que les Rolling Stones, qui, on l'oublie souvent, se sont plus d'une fois adonnés aux jeux acoustiques tout au long de leur carrière, ma foi, éternelle. On les a entendus ici. Époque Brian Jones, ma préférée, avec I Am Waiting, une chanson de l'album Aftermath de 1966, album sur lequel on peut retrouver des succès comme Painted Black. Et les Rolling Stones, ben, ça écoutait du Buddy Holly, comme en témoigne la première chanson de leur tout premier 33 tours, qui était Not Fade Away de Buddy Holly, justement, qu'on a entendu ici en formule acoustique, évidemment, avec Well Alright de 1958, moins d'un an seulement avant ce qu'on va surnommer The Day the Music Died, le 3 février 1959, jour où on va malheureusement en voir périr dans un écrasement d'avion le Big Bopper, Ritchie Valens et Buddy Holly, justement. D'ailleurs, on parlait d'American Pie de Don McLean tantôt, et bien c'est justement de ce jour fatidique dont traite la chanson en question. Et tout ce beau bloc-là qui a été amorcé ici par une légende du blues, Lightnin' Hopkins, avec une de mes chansons préférées de lui, Walk a Long Time, de 1962. Mais là, on a encore beaucoup de belle musique à venir. On écoute une chanson hommage à une autre chanson, chose rare, soit Les Feuilles Mortes, hommage aux Feuilles Mortes, composée par Joseph Cosma et écrite par Jacques Prévert, un grand poète. Chanson qui, dans sa version Johnny Mercer's Autumn Leaves, va devenir un standard de jazz de par le monde, quasi épuisé. Mais cette chanson-là, bref, Serge Gainsbourg lui a rendu hommage en 1961. On écoute la chanson de Prévert au 99.1 et 88.9 CFNJ. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'abandonne à cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence?

and weren't those tears that filled your eyes? And all the fish that lay in dirty water dying, had they got you hypnotized? Tiny flowers, but all that lives is born to die. And so I say to you that nothing really matters, and all you do is stand and cry. All your ears have turned away, but now's the time to look and look again at what you see. Is that the way it all stays? That's the way. That's the way it ought to be. Oh, don't you know that? happened to you should know I went down so hard trying to keep the family together. The family together. Sweet friend, know I love you and I've been struggling so hard trying to keep the family together. The family together. The family together. Stay together. Sweet friend, was I born to give you a name and then be erased? All because I couldn't keep it together. Couldn't keep it together. So much harder on us and lost you because I couldn't keep it together. Couldn't keep it together. Couldn't keep it together. Your head and your mother and your dad. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the color balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. Girl just down the aisle, oh, and turn and see her smile. You can hear the words she wrote as you read a hidden note. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. And you're giving back some glares to the people who you met, and it's your first cigarette. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. Now you say you're leaving home 'cause you want to be alone. Feel when you're finding out it's real. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. Everywhere I've looked at clouds that weave, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now. Crowds. I've looked at life that way, but now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now. Life's illusions I recall. I really don't know life at all. I've looked at life from both sides now, from up and down, and still c'est toujours à Méloman en formule acoustique que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9 avec un bloc très charnu auquel on vient d'avoir droit et qui s'est terminé sur un classique de Joni Mitchell en tout début de carrière avec Both Sides Now en 1969, précédé la même année de son comparse Neil Young avec un classique plus connu par les fans. Magnifique chanson du nom de Sugar Mountain que Neil Young aurait écrite à 19 ans et qui parle justement du passage à l'âge adulte parce que You Can Be 20 on Sugar Mountain. Et c'était précédé ici d'une très, très belle chanson signée Kevin Barnes du groupe Of Montreal. Une chanson écrite pour sa petite fille lors de son divorce avec sa maman. Chanson qui s'appelle Miss Blonde, Your Papa is Falling de 2007. Et sinon, quelqu'un que je vous encourage grandement à découvrir, Nick Drake, qui nous a malheureusement quitté très jeune, mais qui nous a laissé trois magnifiques albums. On a entendu la pièce titre de son dernier, Pink Moon, sorti en 1972, et qu'on a entendu ici juste après, qui d'autre que Led Zeppelin, qui, on l'oublie souvent, avaient aussi des grosses influences folk, comme en témoigne That's the Way, de leur troisième album de 1970. The Moldy Peaches, aussi qu'on a entendu avec Anyone Else But You, chanson qui s'est beaucoup faite connaître grâce au film Juno. Et nous, ben, c'est ce qui met fin à notre rencontre de ce soir. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h. Mais je vous laisse quand même avec de la belle musique, toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ. I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? You say it's very hard to leave behind the life we knew. But there's no other way, and now it's really up to you. Love is the key we must turn. Truth is the flame must burn. Freedom, the lesson we must learn. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Do you know what I mean? Have your eyes really seen? Do you know what I mean?